Celle-ci chacun est pour ton ami. Cette année qui t'a trahi, il est de trop gros, c'est une top, une sept buts qui se livre au but. Il a parlé, gros, t'es tombé, toi t'as fait ton gab en promenade. Tu sors, tu te promènes dans sa rue. La route tourne, tu veux le ruiner. Dans ton frigo, tu veux du renard. Patient comme un renard, c'est des ringards, tu vas rater, ils vont craquer. Sous la pression, la squale, la vol et la potion. C'est gratuit, c'est que du son. Chaque dimanche, gros, je les assomme, vise le sommet, je t'ai sûrement dit. Je te le dis, on boule au ventre, je m'aventure seul et je fais du sale. Si seulement il savait que j'en ai goûté, que maman se battait pour mon goûter. Tu m'étonnes, je fais tout le gâteau. Et vers lui, t'en as pas de content, c'est bon, ben des rois sont comptables. J'ai contact dans toute la France, est-ce que tu crois, la squale, dis-moi. J'ai leur chacal, t'es même pas l'heure et qu'à 18h, tu sortais rien. T'étais dans le froid, tu fumais le terrain. Qu'à 7h-là, c'était tendu, la vague passée, ça criait plus. Top départ, j'mets le mode guépard, j'vais te kill guépé. J'rentrais me changer, j'sortais chargé, ça changeait pas. C'était comme ça et comme si tout ça, c'était normal. J'faisais ce que j'peux, j'voulais t'étaler ma gueule, j'ai tellement détaillé. J'ai fait tailler tellement de pédos, la squale mino, squatter le dépôt. Celle-ci, c'est moi, des positions. Du côté pauvre, j'me positionne, conscient que la squale n'est pas de caution. Maintenant, j'constate qu'ils veulent million. Pinocchio, il fait le malin, il vole mes notes. Il aime se marier, il peine dans une marée de problèmes et tout est probable. Écoute ma femme, celle-ci c'est ma déposition. Du côté pauvre, je me positionne. Constant que la squale n'est pas de caution. Maintenant je constate qu'il veut le million. Que devant Pinocchio, il fait le malin, il vole mes notes. Il aime se marier, il peine dans une marée de problèmes et tout est probable. Écoute ma femme. Tout est probable, écoute ma femme. Ma gueule la squale sur la balade.